Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. Nous sommes le samedi 24 novembre, il est tout juste 18h. Sur la plus normande des radios, Dorian. Comme toutes les semaines à cette heure-ci, on est reparti pour un nouveau classement de l'Espace Top 20. Espace, plus de sons, plus de tubes. Top 20 Espace. Samedi 18h, le rendez-vous incontournable sur Espace. Le rendez-vous incontournable, comme toutes les semaines, c'est reparti avec un nouveau classement de l'Espace Top 20. Le numéro 18, dans quelques minutes, Adriano avec Mia, il ne bouge surtout pas. Numéro 19, nouvelle entrée dans la programmation Sound of Legend avec All That Sucker Done. Et puis évidemment, en numéro 20, ce sera Bad Bunny et Dwayne pour Mia. Le temps également pour moi de vous annoncer quelques petits événements dans la région avec le samedi 1er décembre de 10h à 18h du côté de la Neuve-Lyre, le marché de Noël. Vous pouvez avoir plus d'infos là sur tout ça au 06 78 47 99 04. Et puis ce dimanche 2 décembre, du côté d'Evreux, à la Halle des Expositions, c'est les petits brocs organisés par le comité des fêtes, la foire à tout des petits et des grands. N'hésitez pas à vous y rendre, on vous y attend nombreux, le tout avec Espace. Pour l'instant, numéro 20, Bad Bunny et Dwayne sur Espace. Belle soirée à tous. Espace, top 20. Le top 20, numéro 20. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías. Numéro 19.

dans nos têtes. Oh, quelle fête! On se lance dans la danse qui balance entre la vie et l'amour. Quand tu souris, je m'envole au paradis. Je fais un Rio de Janeiro. Je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les timbales du carnaval. Oui, quand tu souris, je m'envole au paradis. Je fais un Rio, Rio de Janeiro. Je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les timbales. Espace, la plus normande des radios. Espace, en mode souvenir. Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'espace top 20, on est là jusqu'au number 1 et dans quelques minutes on va découvrir le numéro 15, on verra ça après, mais pour l'instant mode souvenir c'est Jean-Jacques Goldman avec Envole-moi et rendez-vous du 14 au 16 décembre à Gournay-en-Bray pour le grand marché de Noël avec Espace. Se lève au détour, les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd, la nuit camoufle. Quelques heures, la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici, entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. La peur ou l'abandon, je m'en sortirai, je te le jure. À coups de livre, je franchirai tous ces murs.

au boulot. Avec Ludo. L'After School. Ils sont incontournables. Sur Espace. Écoutez les meilleurs souvenirs. Pensez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Espace Normandie. Vous êtes plus de 5200 à nous suivre sur Facebook, alors merci de votre fidélité. Votre souvenir maintenant, avant de découvrir les 11 premiers du classement, voici Michael Sambello avec Maniac sur Espace. Bon week-end. Normand, vous êtes Picard et vous nous rejoignez sur Espace en ce samedi soir. Soyez les bienvenus, il est tout juste 19h et c'est les infos. Espace Radio. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Aujourd'hui était une deuxième grande journée de mobilisation des Gilets jaunes. Ils étaient au moins 81 000 manifestants dans toute la France. Chiffre du ministère de l'Intérieur donné à 15h, 8 000 à Paris. À la même heure, la semaine passée, ils étaient 244 000 manifestants à travers le territoire. Les réactions des politiques pour Adrien Quatennens de la France Insoumise, la colère populaire est énorme. Il a aussi affirmé que les débordements des Champs-Élysées restaient des scènes de violence minoritaires. Le député a également extrapolé quant à la suite du mouvement qui, selon lui, sera réduit par Christophe Castaner à une simple manifestation d'extrême droite. Quelques débordements étaient à déplorer. La préfecture de police de Paris a signalé des groupes à risque avec à l'avant du cortège une centaine de membres de l'ultra-droite. La police a fait usage de gaz lacrymogène et de lanceurs à eau pour tenter de repousser et disperser les manifestants. 18 personnes ont été interpellées pour jets de projectiles, 35 à l'échelle nationale, dont 22 placées en garde à vue. 8 personnes ont été blessées au niveau national. Là encore, ce sont des chiffres qui ont été donnés à 15h. Autre défilé à Paris toujours, les marches Nous Toutes pour protester contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. La marche s'était lancée depuis la place de l'Opéra à 14h. Une cinquantaine d'opérations sont à l'ordre du jour en France, alors que demain se tiendra la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Direction le Pakistan, où le chef d'un parti islamiste a été interpellé la nuit passée. Il était à l'origine des manifestations qui ont paralysé le Pakistan pendant 3 jours après l'annonce de l'acquittement d'Asia Bibi. Pour rappel, l'affaire Asia Bibi divise le Pakistan. Cette ouvrière agricole chrétienne avait été condamnée à mort en 2010 pour blasphème. On termine avec du sport et du football, suite de la 14e journée de Ligue 1, avec plusieurs rencontres à suivre à partir de 20h, Dijon-Bordeaux, Caen-Monaco, Nantes-Angers, Reims-Guingamp et Strasbourg-Nîmes. Sur la plus normande des radios, Dorian. Nouvelle heure ensemble et on continue le classement Espace Top 20 de cette semaine. Espace, plus de son, plus de tubes. Top 20 Espace. Samedi 18h, le rendez-vous incontournable sur Espace. Et on est reparti pour découvrir les 11 premiers titres du classement de cette semaine. Pas de grand changement hein, depuis la semaine dernière. On va repartir avec le numéro 11 tout de suite, les Maroon 5 Girls Like You. Et puis, je vous rappelle que le samedi 1er décembre à la 9 Lire, le marché de Noël ouvrira ses portes, tout comme du côté de Saint-Aubin-les-Elbeuf et puis également à Canteleu. C'est à ne surtout pas louper le tout. Avec Espace, passez un bon week-end d'une belle soirée. Tout de suite, numéro 11, les Maroon 5 sur Espace. Espace, top 20. Le top 20, numéro 11. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl. On the last flight to you, we took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Well, that backwood, babe. Let me blow. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive.

rush to forget your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. You left your mind. You left your mind. Might be too forget. You left your mind. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me, so I try to forget the memories. Cause baby it hits so hard, I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter. Son préféré sur Espace numéro 9, toujours à la même place. Je vous dis, cette semaine, on a quasi gardé le même classement. Ça n'a pas tant bougé que ça. Dans quelques minutes, le numéro 6, Big Flo Oli, plus tard. Numéro 7, Shawn Mendes, Lost in Japan. Et numéro 8, l'un des gros cartons du moment, The Points Karma, Later Bitches. Top 20. Numéro 8. Bitches.

Des radios. Espace en mode souvenir. On a découvert 15 titres du classement, il nous manque les 5 premiers. C'est dans quelques minutes, juste après ce mode souvenir. Voici Westlife, Uptown Girl sur Espace. That's what I am.